Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. C'est le temps des fêtes, évidemment, et on a fait des podcasts sur tous les sportifs, pas mal les bâtisseurs ou les sportifs de renom au sein du Lac-Saint-Jean. Et là, ben, évidemment, moi je le connais, fait qu'il n'y a rien de nouveau, mais on va la faire connaître à des gens. Encore une fois, c'est Marianne Saint-Gelais, la seule femme de Saint-Félicien et la seule personne, je pense, du Haut-du-Lac à avoir gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Salut Marianne! Salut, salut! Marianne, d'abord, évidemment, c'est une entrevue human, comme je te disais, ça n'a rien à voir avec l'actualité, donc moi, je la connais. Ce que tu vas raconter, je le sais, parce qu'on s'est, comme on s'est souvent dit, je t'ai connu, je te couvrais avec toi et ce que le monde pense aujourd'hui, fait que c'est pas d'hier, là. Je te ferais même entendre la première entrevue que tu as faite, ce serait drôle, fait que... c'est sûr qu'on aurait du fun! C'est pas la même Marianne Saint-Gelais, là. D'ailleurs, c'est dans mes archives, on va essayer de te retrouver. Hey Marianne, chemin de propos, Marianne Saint-Gelais, évidemment, les gens savent, je veux que tu développes là-dessus, je m'en élaboré là-dessus. Tu as commencé en patinage de vitesse parce que le groupe, le club de Saint-Félicien allait nulle part et il était sur le point de tomber. Ta mère avait était bien amie avec la responsable du club de Saint-Félicien. Et c'est comme ça que ça a commencé le patinage de vitesse pour toi. Ben oui, puis tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que parfois les choses, c'est un peu. Du hasard, hein, c'est le fruit du hasard, tu sais. Moi, j'avais pas une voix qui était tracée devant moi, puis qui disait, je vais aller aux Olympiques, puis j'avais pas les anneaux, là, de peinturer sur le toit de ma chambre, là, sur le plafond de ma chambre, là, qui disait, ah ouais, je vais aller au jeu, tu sais. Mais souvent, les gens, dans la perception des gens, ben, c'est souvent ça, tu sais, les athlètes qui réussissent à se rendre à des niveaux de performance intenses, ben, c'était des gens, justement, qui étaient intenses depuis un tout jeune âge, alors que, il y a des exceptions, puis il y a des gens qui arrivent là-dessus comme par hasard. T'sais. Fait que moi, c'est ce que je trouve beau de l'histoire, c'est que le patinage de vitesse est venu à moi et non l'inverse. Ben oui, c'est ça. Puis comment ça a commencé? Mettons, rappelle-toi ta première pratique, tu as mis pour la première fois des patins de patinage de vitesse dans tes pieds. Comment ça s'est... Je sais pas si tu t'en rappelles. Comment ça s'est passé? Hey, j'avais mal aux pieds, là, écoute, tu sais, au début, c'est pas des patins qui sont moulés, là, c'est des patins de club, prêts pour que tu puisses, bon, te familiariser avec tout ça. Alors, mes pieds, là, puis en plus, j'avais des bottines, c'était comme des bottines de malheur, là, qu'il y avait au club, là. Ils étaient tellement belles, mais ils faisaient mal à tout le monde aux pieds, là, fait que, bref. Fait que, ouais, fait que ça a été assez douloureux, je te dirais, comme première saison, là, où j'ai eu des longues lames, là. Ma mère, elle a tricoté pas mal de petits pansements, là, parce que c'était assez intense au bout de mes pieds. Puis éventuellement, ben, c'est sûr que bon, tu viens avec des patins qui sont semi-moulés, puis tout ça. Okay. Puis éventuellement, ben là, mes patins en ce moment, c'est des pantoufles, là. Tu sais, quand je les remets, je me sens excessivement bien dedans, là. Mais, début, faut que tu apprivoises qu'est-ce qu'une bottine de courte piste. Donc, tu devais aimer ça, parce que c'est juste les pansements puis tout ça, c'est assez pour faire arrêter un jeune le sport. Fait qu'il fallait que tu aimes ça pareil, là, dès la première année, là. Ben oui. Puis tu sais, à un moment donné, justement, tu le dis, quand tu focuses sur des sur autre chose, ben, tu sais, t'oublies ces affaires-là. Ben, moi, j'avais du fun. Premièrement, ma grande sœur était avec moi. Puis, ma grande sœur, ça a été beaucoup, beaucoup une inspiration quand j'étais jeune. Tu sais, la suivais dans ses aventures avant de m'approprier certaines choses. Je suivais l'élan à Marjorie. Là. Mm. Fait que Marjo était là, fait que ça m'aidait énormément qu'elle soit présente. J'avais du fun avec elle. J'ai rencontré des gens. Cassandra est là depuis le début aussi. Elle patine, elle a commencé à Saint-Félicien. Ouais, Cassandra Bradette, pour les gens là, qui s'approchent, qui parlent, c'est de elle. Oui, continue, Marianne. Exact. Ouais. Fait que, t'sais, rapidement aussi, on a créé des amitiés. T'sais, j'ai eu Lénie Dion qui maintenant est à Montréal ici. On se voit aussi qui est un haltérophile. Il y a des gens qui sont restés dans ma vie, mais qui étaient là au début sans vraiment savoir où ça allait nous mener. T'sais. Fait que c'est le fun d'avoir pu créer des amitiés et des chimies qui. Ben, c'est ça qui ont perduré dans le fond. Fait que c'était ça qui me faisait aller patiner. C'était pas le fait que j'allais avoir mal aux pieds, c'était le fait que j'allais m'amuser avec les gens puis j'allais faire un sport que je comprenais peut-être pas vraiment, mais écoute, je l'aimais. Puis il faut dire que tu étais le bout d'entrain aussi du club aussi. Ça a été souvent raconté. T'aimais beaucoup avoir du fun, puis c'est bien correct comme ça. Ta première compétition à vie, que ce soit locale, régionale, nationale, c'était quoi? Ben c'était une provinciale. Tu commences toujours. C'était pas régional? Niveau... Je pensais. OK. C'était pas. Ah, régional. Ouais. Donc, oui. Mêlée, là, en ce moment, mais oui, t'as raison, c'est régional, là. Ça devait être un truc genre entre, exactement, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as raison. Ouais. Je me rappelle qu'on était 5 dans ma catégorie, puis je terminais 5e à chaque fois. Fait que j'avais la médaille de participation, puis c'était bien chill. Ouais. Puis là, arrive évidemment, le déclic s'est fait à partir de quand? Tu dis, regarde, là, wow, Marie, je pense que je peux. Peut-être pas aller aux Olympiques, c'est pas de là que je parle, là, mais il y a quand même eu des athlètes de Saint-Félicien, je pense entre autres des Catherine Mailloux, je pense entre autres qui ont fait des. Qui ont vraiment bien fait. Là. C'est au Jeux du Canada qu'on pourrait dire là, le déclic, Marianne, ou même avant. Là, tu dis, gars, tu pourrais. Sans passer aux Olympiques, je peux quand même avoir du fun et performer assez. Là. Ben oui. Légèrement avant les Jeux du Canada, je te dirais, là, j'avais fait ma première Coupe du Monde, là, quasiment le. 3 semaines avant, là, j'étais partie début février en Hongrie, puis la fin février, on était aux Jeux du Canada à Whitehorse. Okay. Dans cette saison-là, là, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire des essais canadiens. Puis là, je revenais justement de Sudbury, qui était en Ontario, où je m'étais classée. Je m'en rappelle de mon rang exact, mais j'étais pas dans le ranking final pour les Coupes du Monde, mais comme il y avait eu des gens qui y allaient pas, c'est moi qu'on avait pris pour y aller. OK. Fait que c'est vraiment cette saison-là, je te dirais, qui a mis le tapis, là, qui moi, sans nécessairement avoir d'objectif, je montais les échelons, puis j'avais confiance en moi, je me bâtissais justement une confiance, je me bâtissais une carrière dans un sens, sans nécessairement aller trop vite. Puis ça, la Coupe du Monde est arrivée, les Jeux du Canada sont arrivés. Puis les Jeux du Canada, t'avais eu 3-4 médailles? J'avais eu 5 médailles, j'ai eu 4 d'or et une d'argent. OK. Fait que j'avais été la reine des jeux, j'ai encore des records, je pense, qui sont encore là. OK. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça avait été vraiment un super jeu du Canada, là, pour moi. Mais ouais. Ça a été, oui, peut-être le déclic de dire, ben oui, il y a peut-être quelque chose qui va s'enclencher en moi. Puis tu vois, la saison suivante, j'ai déménagé à Montréal. Fait que. Est-ce que ça a été difficile, Marie? T'avais quel âge? T'avais 16 ans à l'époque, Marianne, quand t'as déménagé à Montréal. Donc. La décision a-t-il été dure à prendre? Moi, je venais d'avoir 17 ans. 17 ans, quand j'ai déménagé. Okay. C'est important pour mes parents que je termine mon secondaire à Saint-Félicien avec mes amis, que je boucle vraiment cette boucle-là. Mm. Parce que, tu sais, après ça, le cégep, oui, on en a un à Saint-Félicien, mais il reste que les probabilités que tu fasses ton cégep à Saint-Félicien sont quand même minces. Donc, tu sais, il y a quand même une espèce d'exode qui se passe, tu sais, quand même, là, sportif ou non. Okay. Alors, mes parents, c'est important que. Ça se finisse ici, dans la région. C'est bien correct demain. Tu t'entraînais au centre Marc Gagnon, à l'époque à Chicoutimi, j'imagine? Exactement. Je trouve que c'est un très beau choix qu'ils ont fait, là, de vouloir me garder le plus longtemps possible. Puis après ça, ben, je tombais pas non plus dans les mains de n'importe qui. Là. Quand j'ai déménagé, je tombais dans les mains de l'équipe nationale. Fait que, c'est une grosse roue qui tourne. Fait que, on n'est pas laissé à nous-mêmes puis on est pris en charge. Fait que, oui, j'avais 17 ans. Oui, ça a été difficile de laisser ma famille, mes sœurs, mes amis derrière. Mais j'avais autre chose en tête qui faisait que c'était plus grand que cette peine-là, dans le fond. Puis aujourd'hui, tu es adulte. Donc, à 17 ans, tu n'as pas toutes les données. Mais aujourd'hui, tu es adulte. Fait que c'est là que tu réalises que c'est quand même c'est quand même une bonne décision. Là, parce que, tu sais, on en a parlé, je nommerai pas les noms, puis ainsi de suite, mais il y en a qui ont déménagé à 14 ans à Montréal, Marianne, puis je sais pas si on en a parlé, je pense que c'est plus en dehors des ondes qu'on en a parlé de ça. C'était jeune un peu, là, tu sais, il fait 14 ans, là, mais regarde, toi, ça t'a pas empêché de connaître la carrière que t'as connue, là. Donc, arrive après ça, déménagement à Montréal, ça, la première année, comment ça s'est passé? Souvent loin de sa famille, souvent loin, tu sais, les médias sociaux existaient à l'époque, commençaient à exister à peine, commençaient à exister, oui, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Comment ça s'est passé l'adaptation à la grande ville? Mais ma première année, elle a été plus difficile, c'est certain, ouais. Là, tu sais, du fait de, bon, que, tu sais, je triplais mon volume d'entraînement. Fait que, tu sais, physiquement, ça a été aussi, que j'étais plus fatiguée, ça a été plus difficile. M'adapter aussi à la vie d'appartement, tu sais, là, c'est moi qu'il faut qu'il me cuisine mes choses, qu'il me fasse mes affaires, tu sais, j'ai une gestion de ménage à faire. Ouais. C'est comme plein de petits, donc, à 17 ans, ben, il y a bien des gens qui font pas ça, là, à 17 ans, qui sont chez leurs parents, puis ça se fait tout seul, là. Fait que, tu sais, il y avait quand même cette année-là où, justement, là, c'était d'apprivoiser la nouvelle chose. La chance énorme que j'avais, c'était d'avoir Charles avec moi. Ouais. Là, Charles était plus vieux que moi, premièrement, puis il avait déjà une expertise, puis il était ancré, lui-là, là, dans l'équipe nationale. Puis sa famille habitait à Sainte-Julie, donc c'était pas rare qu'on allait passer. Est-ce que t'as eu ça, Marianne? Si t'aurais pas eu Charles, là, puis t'aurais pas eu la famille, parce que, même pas, ça comme... Tu sais, puis comment il s'appelait le père à Charles? T'étais très proche. Yves. Puis t'étais très proche, puis ainsi de suite, puis t'es aimé beaucoup, puis ainsi de suite, tes beaux-parents à l'époque, puis encore aujourd'hui, je suis certain que t'as beaucoup de respect. Donc, si t'aurais pas eu ça, ça aurait été encore plus difficile. Ah, complètement. Moi, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu Charles dans ma vie. En fait, moi, je suis convaincue que la carrière que j'ai eue sur l'équipe nationale a été... qu'elle a été en majeure partie grâce à Charles. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être investi dans les choses, puis d'avoir mon copain qui faisait exactement les mêmes choses que moi, ça m'amenait à rester justement dans ce focus-là. Fait que oui, c'est une belle chance que j'ai eue d'avoir Charles, mais aussi non seulement sa famille aussi, puis son environnement. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé la première année parce que Charles voyageait, lui faisait les Coupes du Monde, puis moi non. Fait que j'étais souvent avec les autres membres de la famille à Melun. Okay. Arrive maintenant les qualifications en vue des Jeux Olympiques de Vancouver. Est-ce que tu avais, là on parle des qualifications, on ne parle pas des Jeux, là. Est-ce que c'était dans le plan, moi je me rappelle, écoute, on en voit du sport là, depuis 12 ans, mais est-ce que c'était vraiment dans les plans, est-ce que c'était atteignable les Olympiques à Vancouver lors des qualifications? Ou c'était une surprise? Est-ce que c'était dans les plans? On n'avait pas le choix de le mettre dans les plans parce que, tu sais, on s'entraînait puis on... Je faisais partie des essais. Tu sais ce que je veux dire, Marianne, là, c'était... Tu sais, il y en a des athlètes qui prennent part aux qualifications des Olympiques, mais que nécessairement, tu sais, puis c'est sûr qu'ils visent dans le fond d'eux autres, là, mais est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce que c'était une surprise? Mettons pas pour Marianne Saint-Lin, mais mettons pour les observateurs, tiens, ou les commentateurs, que tu te classes pour Vancouver. C'est plus ça ma question. Mais tu sais, même pour moi, je pense que c'est resté une surprise, là, parce que, okay. Je pense que, mettons, si je m'étais pas classée, c'est sûr qu'il y aurait eu une déception, mais la déception n'aurait pas été si grande que ça, okay. Dans le sens que. Okay. Comme je te dis, on n'a pas le choix de se projeter puis de penser à y aller parce que, tu sais, sinon, ça ne sert à rien de faire des essais, mais il reste que... Est-ce que tu y crois vraiment? Je ne sais pas à quel pourcentage mon cerveau croyait que c'était possible. Tu sais, mettons, il y a ça. Mais je savais, par exemple, que si je pouvais y aller, c'était sur le 500 mètres, puis c'était tout, là. Sinon, dans les autres distances, je faisais pas la cote, puis loin de là, là. Fait que je savais que ma chance était aux 500 mètres, là. Okay. Fait que oui, ça a été une belle surprise. Puis je te dirais que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de réaliser que je m'en allais aux Olympiques. Là, pour moi, ça avait été... J'avais pas beaucoup d'expérience de qualification. Fait que pour moi, c'était comme des qualifications normales. Je n'étais pas encore capable de faire la différence entre des essais nationaux puis des essais olympiques, mettons. Fait que ouais, c'était bien particulier. Puis quand j'ai reçu mon skin, là, c'est vraiment là où j'ai fait « OK, là, je m'en vais au jeu. » Et là, arrivent les Olympiques à Vancouver. Ça, c'est un, je te l'ai dit, Marianne, c'est un des... Puis ça fait 35 ans que je suis le sport. Donc, des événements sportifs, là, il y en a eu énormément là, que j'en ai couvert, qui a eu trippé. Puis t'es dans le top 5 des événements sportifs. Là. Arrive cette médaille d'argent à Vancouver. Écoute, Men Wong, à l'époque, était quasiment une personne imbattable. Donc, arrive la médaille d'argent, puis c'était quelque chose d'extraordinaire. La région était trippée. Moi, je me rappelle, là, une des leurs. Puis moi, pour moi, c'était une femme que j'avais connue. Et que je couvrais, je faisais des entrevues avant même qu'elle devienne, que je connais personnellement, qui gagne la médaille d'argent à Vancouver. Et là, tu te fais connaître devant toutes les caméras. Le baiser à Charles Hamelin qui a fait les images de quoi je parle, là, qui a fait le tour monde. Ta conférence de presse le lendemain matin où tu cassais ton anglais. Je m'en rappelle encore énormément. Parle-moi de ça. Je m'en rappelle de cette conférence. Là, tu dois être très, très bonne en anglais, mais tu te rappelles de cette conférence de presse le lendemain que c'était drôle, j'en étais drôle de t'entendre parler en anglais, là. Ben oui, tu sais, à ce moment-là, j'étais pas du tout bonne en anglais, là. Je savais pas du tout qu'est-ce que t'es parler en anglais, là. On t'avait-tu préparé comme il faut avant la conférence de presse, est-ce que pour parler en anglais? Tu sais, on m'avait préparé, mais en même temps, tu peux pas préparer, je veux dire, même titre que si, mettons, tu te préparais en ce moment pour faire un marathon, je vais le faire, ton marathon, il va être proche, là, tu sais. Ouais. Fait que quand t'as pas les outils pour le faire, ben, ça va pas. Fait que moi, j'étais pas outillée pour parler en anglais, là, je veux dire. Fait que j'avais demandé à mon attaché de presse de me faire des phrases, de me les écrire en anglais pour que moi, quand je sois pas capable, ben, je vais regarder ma feuille puis je vais tout simplement lire puis je m'en foutais d'avoir l'air de regarder ma feuille. Ça faisait cute aussi. Ça faisait cute. Mais c'était... elle m'avait écrit seulement des petits mots. Fait qu'elle m'avait juste, au lieu de m'écrire des phrases, elle m'avait juste écrit des mots. Fait que là, je faisais comme, oh my God. Fait que là, il fallait que je construise une phrase, là, mais ça marchait pas. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Fait que j'ai parlé une minute en anglais, puis ça a été tout. Mais ça me frustrait parce que je me dis pas parce que je parlais mal en anglais, ça me faisait très rire. Ouais. Mais ça me frustrait parce que, tu sais, à ce moment-là, t'as tellement envie de montrer aux gens comment tu te sens. Puis moi, je suis extrêmement bonne pour démontrer mes émotions puis de les expliquer. Puis là, j'étais pas capable de l'expliquer. Fait que j'étais pas capable d'expliquer aux gens comment je me sentais puis comment je l'avais vécu. Fait que moi, ça m'a vraiment blessée. J'ai fait, mon Dieu, je suis pas capable de m'exprimer. Ça a pas de bon sens, là, tu sais. Mais en même temps, dans ta tête, ça devait aller très vite. Non, mais je me rappelle pratiquement de rien, là. Okay. Si on me demandait de refaire la séquence du moment où je passe la ligne d'arrivée, je pense pas que je suis capable de tout nommer ce qui s'est passé, là. Il y a trop de choses. Je me rappelle du gâteau de fête que j'ai eu. Parce que oui, c'est vrai, c'était la fête. C'était ta fête. T'avais 20 ans à l'époque aussi. Donc, c'était un beau chiffre, 20 ans, le 17 février 2010. Donc, c'était tout ça, là. Juste une fête, puis 20 ans, c'est un beau chiffre, 20 ans. Puis là, tu gagnes une médaille d'argent. Là, la Marianne Saint-Gelais, que personne ne connaissait, devient une grande vedette, pas juste au Canada, mais dans le monde, en l'espace de 24 heures. Ça devait aller vite dans ta tête, en tabarouette. Ouais, ça allait vite. Ouais. Tu réalises pas, c'est ça qui arrive, c'est que ça va vite, mais tu réalises pas non plus, puis... L'autre affaire, c'est que dans notre sport, nous, les Olympiques, c'est sur 2 semaines. Hein, t'sais, fait que moi, j'avais le droit à faire la semaine d'après. Donc, oui, j'ai gagné, mais t'sais, par exemple, Kalina, elle avait perdu et Jessica Greg avait perdu aussi. Mm. Fait que t'sais, il y avait cette espèce de respect-là qu'il faut quand même garder au sein de l'équipe parce qu'en bout de ligne, on veut gagner une médaille ensemble au relais. T'sais, fait que c'est toute cette gestion-là que quand tu as 20 ans, tu comprends pas nécessairement puis qui est difficile. Alors, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu Tania parce que Tania, elle a vécu des victoires et des défaites pendant 4 Olympiques. Puis en même temps, il fallait que tu retombes sur tes pattes parce qu'il y avait d'autres compétitions qui s'en venaient. Là. C'est pas facile à gérer là, parce qu'il y avait le relais qui s'en venait puis il y avait d'autres. C'était au 500 mètres, tu avais gagné ton d'argent, puis je pense que... Non, tu étais juste au 500 mètres en 2010. Ouais, moi, j'étais juste au 500, fait que t'avais le relais, là. Il y avait le relais, donc il faut que tu retombes sur tes pattes, là. Après, puis c'est là, ça va être facile, un mot t'as dit, là. Tu retombes sur tes pattes pour toi, mais aussi pour le monde, parce que, tu sais, tu peux pas vivre sur un high pendant, je veux dire, 2 semaines, là. Je veux dire, ça marche pas, là, tu sais, pour un pour toi, là, ça marche pas, mais pour l'énergie de l'équipe, ça fonctionne pas non plus. Fait que je me rappelle qu'avec mon entraîneur, on avait bien géré la situation, c'est-à-dire que, tu sais, j'allais trouver mes parents, puis avec ma soeur, puis tu sais, ça, c'était le moment où je me laissais aller. Mais quand j'étais à l'entraînement, puis dans le village olympique, j'étais une coéquipière, puis la médaille, elle n'existait pas, là, tu sais. Ouais, ça, c'était, ouais, c'était vraiment important pour moi aussi, là. Vous, bon, évidemment, on pourrait parler des championnats du monde, on pourrait en parler longtemps, mais il faut que le podcast finisse à mener. Donc, arrive de les Olympiques de 2014, où ça a été probablement tes pires Olympiques. C'est le, au niveau de déception, au niveau... Puis peut-être que... Je suis pas sûr, tu me corriges, je me trompe, Marianne, mais avec le recul, là, si tu n'aurais pas connu des Olympiques aussi, aussi mauvaises, probablement que tu serais pas revenu en 2018. Est-ce que je me trompe? Mon Dieu, c'est une bonne question. Ça parce que tu parlais d'enfants dans le temps, là. Ouais, ça se pourrait. C'est difficile de se projeter, mais ça se pourrait parce que, tu sais, si je me rappelle, j'avais pas d'ambition de faire des Olympiques, dans le sens que... Ouais. Mon but à moi, c'était pas de faire 5 Olympiques, tu comprends? T'sais? Fait que j'aurais très bien pu faire un jeu, m'arrêter, en faire deux, m'arrêter. J'avais pas cette pression-là de vouloir en faire un nombre exact. Là. Fait que ça se peut très bien que si autant moi que Charles, on avait ramassé tout ce qu'on devait ramasser, mais peut-être qu'on se serait retiré en champion puis on aurait fait autre chose. T'sais? Fait que, ouais. Fait que j'aime l'idée que j'avais dit à Charles que c'est parce qu'on avait encore des choses à faire. Ouais. Qui nous est arrivé ça. Fait que, ouais, on sait jamais, la vie est tellement... Une décision peut tout changer, mais peut-être que oui, c'est arrivé pour une raison. Puis moi, j'avais certainement des choses à apprendre, là, à ce moment-là. Le conflit avec Frédéric était majeur. Ouais. J'avais pas du tout les idées à la bonne place. Puis j'avais surtout pas envie de terminer ma carrière de cette façon-là. Fait que j'avais encore des belles choses à aller chercher. Là. OK. Donc, arrive 2018, ça a été... Est-ce que 2018, les Olympiques, ça a été à ton goût? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas hein? du tout. Moi, je dirais que Pyeongchang ont été mes pires Olympiques. Ouais, okay. Mais j'étais mieux outillée. Fait que okay. Ce qui fait que mon souvenir reste positif quand même de Pyeongchang. Parce que tu sais, deux disqualifications, une chute, je veux dire, c'est des choses qui m'arrivent jamais. J'ai vraiment été victime de mon sport. Puis c'est drôle parce que tu m'as jamais entendu parler de ça, là, mais. En fait, je ne m'ai jamais entendu parler comme ça, mais là, c'est vraiment comme ça que je l'évalue. Là, j'ai été victime de mon sport. Pis, le sport évolue aussi, Marianne, on va se le dire. Là. Exact. Je ne suis pas sûr que Man Wong, en 2018, aurait été dominante comme elle a été en 2010. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Par exemple, quand je parle de victime, c'est que on sait très bien dans quoi on s'embarque. Là, je veux dire, les disqualifications, les chutes, les dépassements, tout ça, ça fait partie de notre sport. Pis c'est pour ça qu'on l'aime aussi puis qu'on l'aime pas. Mm. C'est juste qu'à Pyeongchang, moi, j'ai eu un traitement choc de ça. Deux disqualifications, dont une aux 500 mètres pour agressivité au départ qui n'est jamais appliquée dans... Je veux dire, ça n'a jamais été appliqué dans toute l'histoire des Olympiques. Puis là, ça s'est appliqué à moi, à Pyeongchang. Tu fais, mais qu'est-ce que la vie m'envoie? Même affaire pour le relais où c'est un règlement qui existe, mais on se fait dire qu'on a nuit à la course alors que les Coréennes nous ont fait tomber. Tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se sont passées où moi, je devais garder mon camp et me dire, ça arrive pour une raison. Mais j'ai eu le courte-piste en pleine gueule, tu sais, vraiment. Puis je devais me raisonner parce que c'est moi la doyenne, puis c'est moi la personne qui doit dire à son équipe de rester unie, tu sais. Mais après coup, moi, le constat que j'ai fait, c'est que j'ai été victime de mon sport. Puis je me victimise pas en disant ça, mais j'ai goûté vraiment au côté ingrat du sport. Ce que j'avais pas nécessairement vu auparavant, tu sais. Ouais. Je me rappelle, Marianne, j'avais fait une entrevue, puis tu te sentais pas nécessairement à l'aise avec le fait d'être la leader de l'équipe. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je me trompe pas, hein? Fait que, tu sais, là, tu parles, il fallait que je sois la doyenne. Si t'aurais eu une Karina Roberge, entre autres, qui aurait eu là, ou encore une comment elle s'appelle, la fille, là, que t'étais ben chum avec, après sa retraite, là, le nom m'échappe, là. Marie-Ève. Oui, Marie-Ève Drolet, qui était plus une leader. Est-ce que ça aurait été différent? Je pense pas. Non, je pense okay. que c'était mon heure à moi, c'était mon temps à moi d'être la leader. Tu sais, c'est quelque chose qui vient naturellement, puis c'est venu naturellement. Moi, je l'ai repoussé le plus longtemps que je pouvais, mais ce rôle-là me revenait. Mais j'étais pas une leader comme, mettons, Tania a été pour moi. J'ai été une leader un peu comme Marie-Ève a été pour moi. Tu sais, c'était quelqu'un qui était là, qui veillait sur nous, qui était une bonne étoile, qui était là pour nous conseiller, nous consoler. Mais c'était pas quelqu'un qui allait vers nous pour nous dire des choses. Tu sais, on savait qu'elle était présente, sa présence nous faisait du bien. ben moi c'est ça que j'étais pour ces filles-là, tu sais. J'ai jamais voulu qu'on prêche, j'ai jamais prêché par l'exemple, j'ai jamais dit faites comme moi, mais ce que j'ai réussi, ce que Kim et moi on a réussi à créer, ben c'est unique, puis c'est parce que justement les deux on s'est laissé une place, tu sais. Fait que non, je pense que c'était mon temps à moi, puis j'avais besoin de le faire pas juste pour elle, mais j'avais besoin de le faire pour moi. Ça a vraiment été super important pour moi de le voir puis de le vivre, parce qu'après ça, ça a été tellement plus facile de m'en aller là, puis de me dire, ouais, ben parfait, tu vois, ce que tu avais à faire, c'est fait, puis le courtopiste est en santé. Fait que va-t'en la tête haute. Là. Ouais. Fait que tout ça, ça fait partie du processus. Ouais. Fait que non, je l'aurais pas changé, ça, pour vrai. OK. Marianne, on va faire une pause. Je vais te revenir. Je vais te parler du centre Marianne Saint-Gelais qui porte ton nom à Saint-Félicien. Je vais te parler également des plans futurs. Donc, vous êtes à l'écoute d'entrevue avec Marianne Saint-Gelais sur les ondes de Radio Sport. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-9383. Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacquelin Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacquelin Doucet, 418-276-6170. On est retour à danadiosport.com. Marianne, écoute, l'événement, je veux te parler de ta région un peu, puis tu le mérites parce que tu es la seule Olympienne, tu es la seule personne qui est allée aux Olympiques dans le coin, qui a gagné une médaille, puis je pense en je sais pas combien d'années. Puis en plus de ça, donner un nom, c'est faut attendre. Donner un nom à un édifice, faut attendre. Mais quand même, toi, je suis même pas inquiète. Tu changes, ta vie changera pas. Exemple comme Myriam Bédard, c'est vraiment triste ce qui arrive dans son cas. Je suis même pas inquiète pour toi. Mais pour toi, que le nom de l'Arena de Saint-Félicien porte ton nom, ça t'appartient. Comment tu trouves ça? C'est un honneur. Ça doit être un honneur. Hein? C'est incroyable. Là. Surtout qu'on a passé très près d'avoir une équipe, un match de Ligue nationale. On n'était pas loin, là. Fait que ça doit être quelque chose aussi. Complètement. Ouais, hein? Mais tu l'as bien dit, tu sais, d'habitude, on dirait qu'on attend, ben, à mon sens, trop tard là, pour honorer les gens. T'sais, on attend qu'ils soient décédés ou on attend qu'ils soient très vieux. Alors que je trouve que l'impact que j'ai, mettons, dans le en ce moment, c'est là où elle est le plus fort. T'sais, quand je vais avoir 50 ans, les gens ne vont pas nécessairement se rappeler de moi, puis c'est bien correct, tu sais. Fait qu'on nomme l'aréna à mon nom, ben ça inspire tous les jeunes patineurs, tous les jeunes sportifs, mais aussi tous les gens qui habitent, qui viennent de régions pour dire, ben c'est possible, tu sais, puis c'est là qui est important le target, là, tu sais. Fait que je trouvais que c'était super, ça vient, oui, t'as raison, avec une espèce de responsabilité où tu dis, oui, parce qu'il faut que bon, moi, je peux. Tu sais, il faut que tu vires, à quelque part, tu as une responsabilité aussi de continuer à vivre ta vie d'une façon correcte. Puis, je veux pas dire que Myriam Bédard est pas correcte, c'est pas ça. Elle, c'est une histoire vraiment triste dans son cas. Là. Probablement que c'est les gens qui savent un peu l'histoire, mais toi, t'as une responsabilité pour la suite des choses, pour que ton nom soit encore honoré. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Puis, tu sais, en portant aussi, justement, le centre créatif Marianne-Saint-Jean, ben, je porte moi, mais je porte aussi ma communauté. Fait que je porte le patinage à vitesse courte piste, je porte aussi ma famille. Fait que, tu sais, c'est aussi ça. Fait que cette pression-là, elle vient de là, de pas décevoir les gens. Puis aussi, ben, de rester intègre à moi-même. Tu sais, après ça, si, par exemple, je suis dans une controverse parce que j'ai dit quelque chose de pas correct, tu sais, ça, on s'en fout dans le sens que si ça, moi, je reste intègre à moi-même, ça me dérange pas. Par exemple, que je suis coincée pour état d'ébriété au volant, ça, par exemple, je trouve que ça respecte plus l'espèce de valeur sportive, de vie équilibrée saine que je propage. T'sais, alors oui, je dois faire attention à mes comportements, mettons, mais tu l'as bien dit, là, j'ai pas d'excès, puis j'ai pas trop de folie, là, fait que je suis assez intelligente pour prendre mon char quand je bois du vin. exactement. Donc là, ta carrière future, moi je t'ai toujours vu à TV, encore hier, au moment où on enregistre le podcast, il est le 11 décembre, ça va être diffusé dans le temps des fêtes, donc il y a un moment, sauf que t'étais hier soir à Denis Lévesque, puis je disais, mon Dieu, puis j'arrivais à travailler à mon autre travail, je disais, donc ben belle Marianne, ce soir, les cheveux lousses, puis c'est pour ça un autre message que je te vois à TV, que je te vois encore une fois à TV, mais tu me dis, oui j'aime ça, oui je veux ça, sauf que je veux faire d'autres choses aussi. Puis ta carrière, puis je trouve que ça te va bien aussi, ta carrière de coach. Ça, je trouve que ça te va bien. Bien, complètement. Puis moi, c'est arrivé vraiment par hasard. Là. Ouais. Le coaching, je n'avais pas du tout envisagé ça là, comme choix de carrière là, par la suite. Là. Mais c'est Marc Gagnon est venu me chercher. Et on est allé prendre un café l'année passée. Il m'a dit que ça pouvait m'intéresser. Lui, il voyait des belles qualités. Puis moi, au début, j'étais pas certaine. Fait que j'ai commencé l'année passée à temps partiel à l'aider Marc-André. Même pas Marc. J'ai aidé Marc-André le soir. Puis cette année, ils ont ouvert le poste à temps plein. Puis moi, j'ai pogné de quoi avec les jeunes. Là, puis il y avait comme certains trucs que je voulais aller valider. Là, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un bon patineur que tu vas être un bon entraîneur. Il y a des façons de communiquer avec les jeunes. Le côté humain est hyper important. Surtout à ce niveau-là, nos jeunes ont entre 16 et 19 ans. Fait qu'on est vraiment les juniors. On n'est pas encore dans la haute performance. On est dans l'apprentissage de tout ça. Puis c'est super important de prioriser ça. Fait qu'il y avait vraiment un bout qui venait me rejoindre énormément parce que pour l'instant, la performance, ça m'intéresse pas nécessairement. Fait que c'est ça, j'ai pogné de quoi avec les jeunes, puis j'avais aussi envie qu'ils me regardent d'un autre œil que de la triple médaille olympique. Je le sais qu'ils sont conscients du passé que j'ai, parce qu'ils sont encore, tu sais, ils sont pas encore trop jeunes pour complètement pas savoir qui je suis, mais en même temps, je pense qu'ils sont assez grands pour voir que j'ai d'autres choses à apporter que mes trois médailles, tu sais, puis que si j'ai gagné trois médailles, c'est pas juste parce que j'étais bonne, tu sais, c'est parce que j'avais d'autres qualités que j'essaie de leur enseigner. C'est vraiment bien. J'ai vraiment pogné de quoi de super. Puis le monde des médias, tu l'as dit, j'en fais encore. C'est juste qu'il me manquait quelque chose. C'est un milieu qui est très incertain. Puis l'autre chose, c'est que... J'aime bien le mot, là. Très incertain. C'est très incertain. Puis l'autre chose, c'est que moi, j'avais comme une impression toujours de vide. Parce que, tu sais, comme c'est des contrats, ben c'est des gens que tu vois pratiquement, ben que tu revois plus. Fait que moi, j'avais bien de la misère avec cette espèce de concept-là de travail d'équipe quand, justement, je peux pas avoir une équipe. Fait que c'est pour ça que je fais des projets qui sont vraiment le fun, mais que c'est pas ce que je suis à tous les jours. T'sais, je coach à tous les jours, puis je rentre des contrats télé, puis des contrats trucs, peu importe le contrat qui va fitter dans mon horaire de coach. En fait, le défi je reviens à ta carrière de coach, le défi que t'as à faire, parce que je l'ai écouté pour avoir les dans les autres sports. T'sais, Wayne Gretzky a été un entraîneur. C'était un des plus grands joueurs de hockey. Au soccer, il y en a eu Maradona et ainsi de suite. Ce qu'on me dit, c'est que ces gens-là ont peut-être pas nécessairement la patience. Ils ont été des grands athlètes. Ils ont peut-être pas nécessairement la patience pour bien faire de la pédagogie. Je sais pas si tu me suis. Et c'est ça ton défi, toi. C'est pas parce que Marianne Saint-Gelais t'a gagné une médaille que l'autre, la jeune, est bonne. Fait qu'il faut que tu aies la patience d'être patiente avec le jeune. En fait, c'est ça le défi, je pense. Est-ce que je me trompe? Moi, pense que ça dépend du niveau auquel tu entraînes. Okay. Tu as raison, il y a toutes sortes de défis qui peuvent t'attendre parce que justement, quand tu es un athlète de haut niveau qui a fait ça, probablement, il faut que tu descendes tes attentes. T'sais, moi, ouais, en ce moment, je peux pas demander à mes jeunes de 16 ans de faire du 8-4 en tour lancé. Voyons donc, ouais. J'ai fait ça à la fin de ma carrière quand j'étais mature. Fait que tu sais, il y a des affaires que moi, j'ai pas le choix de descendre puis de justement de me faire une nouvelle idée du courte piste de ces âges-là. Parce que moi, je m'en rappelle plus qu'est-ce que je faisais quand j'avais 17 ans, tu comprends? Fait que c'est de revoir puis de refaire mes tableaux de performance dans un sens. Mm. Puis après ça, c'est de la pédagogie, mais c'est de trouver les bonnes façons. Puis je pense qu'elle est là, la patience des gens. C'est que souvent, les athlètes de haut niveau, on est entraînés d'une façon, puis on pense que c'est la seule façon qui existe pour comprendre. Alors que chaque personne comprend différemment. Il y a des gens qui sont vraiment visuels, des gens qui vont être plus sensations. Et jeunes, il faut que tu réussisses à aller les chercher quand tu veux leur expliquer, par exemple, un exercice technique, mais ils comprennent pas quand tu leur parles. Ben, soit que tu leur montres une vidéo, soit que tu lui fais faire un exercice technique pour qu'ils puissent le filer dans son corps. Fait que tu sais, c'est cette pédagogie-là, je pense, qu'il faut que tu sois prêt à aller chercher. Mais est-ce que c'est de la patience? Dans le sport, c'est que ça, de la patience. Parce fêtes, que même s'ils catchent bien le mouvement une fois, ils vont pas le faire bien à tous les jours. C'est comme ça. Fait que la patience, t'as pas le choix d'en avoir tout le temps, là, dépendamment. Parce que dans mon sport, à moi, il faut être patient des résultats parce que ça vient pas en claquant des doigts. Mais t'as raison de dire que la pédagogie est importante. Puis l'approche aussi que tu vas avoir avec les jeunes. Il y en a qui faut que ça prend plus de douceur. Je pense à mes petites filles, là, sont bien contentes que je sois là parce que je suis plus douce, puis je suis plus attentionnée, puis je suis plus cocooning avec eux autres. Alors que les petits gars, ils aiment Marc, puis ils aiment Joe, parce que mais Marc est quand même assez doux, là, mais on a toute une personnalité qui est différente. Est-ce que tu sens les jeunes impressionnés par ton statut? Au début, oui. Au début, c'est normal, là, ça vient avec ça. Tu sais, c'est Marianne, nanana. Puis là, tu sais, moi, en plus, j'ai des réseaux sociaux, puis tu sais, je suis quand même une personnalité publique. Fait que ça vient aussi avec ça. C'est pas juste Marianne, elle a des médailles, c'est Marianne, elle a fait le tricheur, puis elle a vu telle personne. Puis, ah ouais, puis là, les petits, eux autres, ils aiment ça, ils aiment tel influenceur au Québec. Puis là, tu l'as déjà rencontré. Fait que tu sais, au début, c'est aussi le statut social que j'ai, tu comprends? Fait qu'après ça, c'est de oui, en sont conscients. Moi, je mets jamais l'emphase là-dessus. Mais après ça, c'est juste de moi, de quand même être capable d'aller chercher leur confiance, leur respect aussi, pour qu'on puisse avancer. Puis que oui, au-delà de Marianne, des fois, elle peut passer à la TV. Ben, quand elle s'englace avec nous autres, ben, c'est nous autres la priorité, là. Fait que, il y a ça qu'on travaille, mais ça va prendre encore, Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu, que ton plus gros fascin de carrière, Vancouver, ils n'ont peut-être pas vécu ça, là, où la plupart doivent même pas s'en rappeler, là, ton plus gros fascin de carrière. Dernière question, ton livre. Tu as lancé un livre à la fin de l'année. Je te l'ai demandé en dehors des ondes, je vais te demander en ondes. Comment ça va les ventes? Parce que moi, c'est toujours ça qu'on regarde. Je sais que tu ne focuses pas là-dessus, mais c'est toujours le fun quand même de savoir que le livre se vend. T'as-tu des nouvelles? Ben moi, j'ai pas de nouvelles, mettons, précises. Ce que les gens aiment savoir, là, ça, c'est toute mon agence puis la maison d'édition KO qui ont ces sondages-là. Aux dernières nouvelles, ça allait bien. On était dans les palmarès, puis on se situait encore, dans le top 15. Fait que, tu sais, c'était bien. Eux, ils étaient bien contents de ça. Moi, ce que je reçois, c'est des gens qui m'écrivent, qui ont lu mon livre, des gens qui travaillent dans des pharmacies, pas dans des pharmacies, mais dans des Renaud-Bray, dans des librairies, qui me disent que leur livre, mon livre, il est plus en stock, il faut qu'ils le recommandent. Normalement, c'est bon signe, ça. Ben oui, c'est ça. Puis des gens qui me disaient, je suis allée chercher ton livre, puis ils n'avaient plus. Fait que merde pour moi, mais bravo pour toi. Fait que, tu sais, je trouve ça super gentil parce que je sens que les gens ont de l'intérêt. Je sens aussi que quand justement on l'a lu, on m'écrit qu'on a aimé, peu importe si on a aimé ou pas, on m'écrit les bonnes choses qu'ils ont retenues, puis les leçons qui s'appliquent plus à eux. Puis ça, je trouve ça fascinant que les gens puissent me partager ça, parce que je le savais qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre ma vie d'athlète et ce que les gens peuvent vivre au quotidien. C'est juste que c'est à une échelle différente. Ouais. Donc, je suis bien contente de l'intérêt des gens, puis de savoir que en bout de ligne, c'est ça, on n'est pas si extraterrestre que ça, puis on vit toutes pas mal les mêmes affaires. Ben Marianne, félicitations encore une fois, c'est bien le fun, une entrevue qui est totalement différente. Au plaisir de se parler, joyeuse fête encore une fois dans des conditions assez spéciales. Merci beaucoup, puis on va se reparler un autre tantôt. Ben, merci à toi, Danny. Joyeuse fête. Marianne Saint-Gelais, qui a été la patineuse de ses fichiers, qui a remporté des médailles à Vancouver.